Cela faisait presque un an que le docteur Cameron avait assisté à la réception des Doulis. Il expliqua à Gottlieb qu'il en était arrivé à la conclusion que c'était grâce à un mélange de drogues, peut-être associé à la privation sensorielle et à l'hypnotisme, qu'on avait manipulé le psychisme des prisonniers de guerre américains pour les faire parler. Il ajouta que cette hypothèse lui donnait envie de continuer à se documenter et à chercher. Mais c'était également un homme pragmatique. Un projet de cette envergure allait nécessiter un énorme budget et un très haut niveau de sécurité. Il était indispensable qu'on lui garantisse les deux. C'est ce que fit Doulis, le directeur de la CIA. Plus tard, Cameron passa une journée avec le docteur Wolf dans les bureaux de la toute nouvelle Société de recherche en écologie humaine à New York. Elle était désormais la façade des travaux du docteur Cameron. Il allait être crucial de bien dissocier ce qui allait se faire à Montréal de la CIA. Le MK Ultra allait opérer hors des États-Unis, à l'abri des frontières d'un voisin ami. Les répercussions politiques qui suivraient la découverte seraient immenses. Cameron continuait néanmoins à peser le pour et le contre des options. On lui proposait un budget comme il n'en avait encore jamais obtenu. S'il réussissait, il gagnerait encore en réputation. En s'y prenant bien, il devait être possible de minimiser les risques. Il prit l'avion pour rencontrer le docteur Sargent à Londres. Ensemble, ils déterminèrent comment combiner leurs travaux, sachant que Sargent reproduirait les expériences de Montréal dans son service de l'hôpital Saint-Thomas. Ils se rendirent à une ancienne base de la RAF à Marisfield, près des Sussex Downs, où l'on testait des drogues sur des volontaires de l'armée britannique. Le programme était supervisé par Sargent, et pour l'instant, ses expériences donnaient peu de résultats. De retour à Montréal, Cameron autorisa les préparations nécessaires pour convertir la cave de l'Allan Memorial Institute en une réplique des centres d'interrogatoire coréens que Doulis lui avait décrit. Le MK Ultra prit alors un nouvel essor. Ayant effectué deux essais de bombes atomiques, l'Union soviétique était sur le point de procéder au troisième. Quoi qu'il en soit, ce serait toujours moins que les cinq essais qu'avaient faits les États-Unis dans le désert du Nevada. Lors de la dernière visite de Cameron à Washington, Doulis lui avait parlé d'une expérience de la CIA à Boston. Le docteur Louis Lazagnar avait administré du LSD à plusieurs volontaires. Les effets avaient été impressionnants. Doulis expliqua qu'après cela, ils avaient avoué toutes sortes de choses. Cette nouvelle fut déterminante dans la décision du docteur Cameron de continuer à travailler avec la CIA. Pendant ce temps, le docteur Gottlieb avait ordonné à Buckley de superviser la sécurité de la seconde expérience sur la fièvre de Queensland, pour laquelle on allait utiliser des bactéries plus puissantes. Une fois de plus, le test eut lieu au terrain d'essai de Dugway, dans l'Utah. L'armée l'utilisait pour essayer ses armes depuis 1942. En 1944, les pilotes du 509e escadron de l'US Air Force y avaient largué des obus remplis de gravats pour se préparer au largage de la bombe atomique sur Hiroshima. C'était également à Dugway que Frank Olson avait fait ses premiers essais pratiques au retour de son premier séjour en Corée. Il y avait testé plusieurs conditionnements afin de voir ceux qui diffusaient le mieux les bactéries, en utilisant à la place une poudre inoffensive. Il avait obtenu des résultats satisfaisants. Gottlieb avait alors donné l'ordre que ces obus, remplis de bactéries par les scientifiques de l'unité 8003, soient expédiés en Corée par voie maritime. Aucun document écrit ne stipule s'ils ont ou non été utilisés au combat. Au début de l'été 1954, un avion de transport rempli d'adventistes se posa sur la piste d'atterrissage de Dugway. Buckley se souvenait plus tard qu'il avait eu l'impression d'être sur la Lune. il n'y avait que le désert qui s'étendait à perte de vue jusqu'aux montagnes de Dugway. Le test aurait lieu après le coucher du soleil, lorsque les vents qui faisaient tournoyer les boules de désert sur le sable retomberaient. La violente lumière du soleil aurait également tué les bactéries. Au crépuscule, Buckley escorta les adventistes vers la zone d'essai, une rangée de plateformes de bois d'une longueur de 750 mètres. Tout le monde prit une douche en utilisant l'eau d'un camion-citerne et reçut des vêtements propres. Bien à l'écart de la zone d'essai, la police militaire montait la garde. Buckley vérifia lui-même une dernière fois que personne n'avait réussi à faire entrer une caméra en cachette pour filmer ce qui allait se passer. Sur chacune des plateformes sur lesquelles se tenaient les adventistes, il y avait une cage contenant plusieurs macaques rhésus enfermés dans des boîtes métalliques, d'où seules sortaient leurs têtes. Sur certaines des estrades, on avait également placé des cobayes enfermés de la même façon. Sur toutes se trouvait du matériel de laboratoire qui permettrait de recueillir des échantillons d'air avant, pendant et après le test. Les bras le long du corps et regardant calmement droit devant eux, tandis que la brise nocturne faisait frémir les taillis, les adventistes donnaient l'impression de participer à quelque rituel ancien. La pâle lueur des étoiles intensifiait l'étrangeté de la situation. Le silence fut brisé par un générateur qui se mit en route en toussant pour faire tourner le demi-cercle de diffuseurs qui se trouvait à 750 mètres de là. Les microbes commencèrent à s'échapper des bouches des diffuseurs et, invisibles à l'œil nu, commencèrent à dériver dans le vent en direction des plateformes. L'un des scientifiques enclencha son chronomètre au début du test. À l'aide d'un porte-voix, un autre s'adressa aux adventistes. « Pensez bien à respirer normalement. » La voix désincarnée répéta une fois de plus cette instruction dans l'obscurité du désert. 2 minutes après sa première pression, le savant chargé du chronomètre appuya une seconde fois. Le test était terminé. 2 camions s'approchèrent des plateformes. Les chauffeurs portaient des combinaisons de caoutchouc, des lunettes de protection et des masques. Ils ressemblaient à des extraterrestres. L'un des camions emmena les adventistes, l'autre les animaux en cage et le matériel de contrôle. On guida les adventistes jusqu'aux douches et on leur demanda de se déshabiller. Leurs vêtements furent portés à un incinérateur hermétique et brûlés pendant qu'ils se douchaient sous de l'eau couleur violette. On leur indiqua ensuite qu'ils pouvaient remettre la tenue dans laquelle ils étaient arrivés. Buckley escorta les adventistes jusqu'à la piste de décollage. À l'aller, il s'était assis avec eux et il lui avait un peu parlé de leur foi, du fait que leur religion reposait sur l'attente d'une deuxième venue du Christ. Il lui avait également expliqué que leur église était l'une des plus riches des États-Unis et qu'elle possédait ses propres universités et écoles de médecine, dans lesquelles on apprenait aux élèves qu'il fallait servir Dieu et sa patrie en temps de guerre. Mais pour le vol de retour, il avait reçu l'ordre de voyager dans un avion séparé avec toute l'équipe de Fort Detrick. L'un des scientifiques lui expliqua qu'il fallait que les adventistes restent aussi isolés que possible pour garantir la pureté du test. Plus tard, Buckley apprit que l'expérience avait été un franc succès. On avait ajouté une petite quantité de LSD à la bactérie de la fièvre de Queensland. Quelques jours plus tard, certains adventistes avaient montré des signes de comportement irrationnel qui les avaient par exemple amenés à détruire leur objet préféré ou à écouter le même disque toute la journée. Ces schémas comportementaux furent observés de près par les agents médicaux de Fort Detrick qui leur rendaient visite quotidiennement dans leur salle d'isolement. Leurs notes furent envoyées au docteur Gottlieb. Il en fit des copies qu'il fit suivre au docteur Cameron à Montréal.